toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement. C'est avec rage qu'on traverse de la merde, tu es tout fini. En qui avoir confiance, en qui, à qui se fier. Amis à mourir sans prévenir vont se défiler. Je reste droit debout, sa mère la vie, je vais défier. C'est avec rage qu'on traverse de la merde, tu es tout fini. Ma gueule en haut, je veux le premier rôle dans ma vie. Un coin de ciel bleu, le mic du son pour ça ressemble au paradis. Je suis loin, loin du compte, je compte ce qui manque. C'est pas le palpera dans l'ombre qui remplira mon compte en banque. En plus, je suis pas le rappeur des clichés. Très peu pour moi, le mytho qui change de peau pour tricher. Je dis ce que je pense. A chaque trahison, j'avance et grandis. Assume l'im ça brodé sur le drapeau que je brandis. Je rêve d'un bon demain. Change ma trajectoire et surprends. Opportuniste soudain, t'inquiète, je calcule aisément. Donc je suis pas là par hasard. Longtemps dans l'ombre, j'ai bossé. Des heures en solo, des nuits à plancher. Rien sans rien, fallait avancer. Azim et DJ Limsa. On donne ce qu'on a, on est ce qu'on est. On sait pas où on va, la vie de ma mère, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Azim et DJ Limsa. Ce qu'on a, on est ce qu'on est. On sait pas où on va, la vie de ma mère, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Vite dingue, je tiens les rênes, peine mes luttes. Sans me retourner, passer douleur, j'en parlerai bien. Mais chut, faut voir demain et croire que rien ne m'arrêtera. Pas même les faux, les traîtres. Frère en face, ceux qui dans l'art de t'enculer sont pas ses maîtres. C'est ceux-là même qui me donnent la force. Leur vie une farce, faire du slalom entre la jalousie qui pèse et les amis qui te baisent. Rêver de shalom, être entouré de bâtards qui jouent les balèzes. On persévère, angoisse de la feuille blanche et je perds mes vers. Voir dans les cartes à venir, c'est pas mon truc, j'attends pas. Je me lève la rage au ventre, avec la volonté, un jour de plus dans lequel je rentre. Je tente, j'essaye le grand chelem, même si parfois mon cœur est serré. T'as la vie, je l'aime. Azim et DJ Limsa. On donne ce qu'on a, on est ce qu'on est. On sait pas où on va, la vie de ma mère, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Azim et DJ Limsa. On donne ce qu'on a, on est ce qu'on est. On sait pas où on va, la vie de ma mère, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Sans baisser ma garde, fonce droit et fais des erreurs. Ça me regarde, disons que la vie m'apprend et fait ce que je suis aujourd'hui. Sans cesse le pied à l'étrier, le mic m'ont destrié. Un jour peut-être, faudra que je change de discipline. Un spliff pour oublier, pour repartir mon envie de vivre en vitamine. C'est vrai que la vie c'est violent, c'est pas la peine de lancer les violons. Voyons les choses en face, putain à force de pleurer. Y'a que soi-même qu'on arrive à leurrer. Toujours avoir la tête haute et être fier de soi. Ne pas être un apôtre mais toujours suivre le dieu de sa foi. Azim et DJ Limsa. On donne ce qu'on a, on est ce qu'on est. On sait pas où on va, la vie de ma mère, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Azim et DJ Limsa. On donne ce qu'on a, on est ce qu'on est. On sait pas où on va, la vie de ma mère, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait.